Françoise, donc, sourire aux lèvres, tout comme Valérie, boulangère, qui a épargné toutes mes années de travail. Donc s'ils partent en fumée, c'est un peu bête. Hein. Donc vous savez que vous avez une sécurité jusqu'à 70 000 euros. Il y a intérêt. Hein. Je ne veux pas que l'écureuil me les mange. Hein.